第二段 Bet. Vatomer yomima l'shem bna. Bni. Vayomer shem. Hineni imi. Vatomer imo. Kum. Vayakom shem. Vatomer bo. Vayavo. Vatomer hine zera etz. Kach et hazera. Vaikach shem et hazera. Vatomer, ten et hazera le noach avicha. Vaiten oto le aviv. Vatomer imo, lech. Vayelech. Vatomer, shev beni. Vayeshev shem.